Thèse se dissocie complètement des propos controversés tenus par le candidat indépendant Col Rouge Claude Roy au sujet de l'immigration. Claude Roy a prôné sur les ondes de Choix Radio X pour davantage d'immigration asiatique à Québec et moins d'origine arabe. Des propos qui ont rapidement été qualifiés de racistes dans la twittosphère. Claude Roy, je lui ai parlé tout à l'heure, ne regrette pas ses propos. Il n'a pas l'intention de se rétracter. Il affirme ne pas être raciste ou xénophobe, même s'il a répété sensiblement les mêmes propos. Quand tu réponds que tu veux faire une immigration économique au lieu d'une immigration sociale, ben malheureusement, c'est interprété comme quelqu'un de raciste qui veut pas qu'on aille tout le monde. Moi, j'ai tout simplement dit, écoutez, c'est bien beau avoir des migrations francophones qu'on va chercher au niveau de tous les pays maghrébins, au niveau de tous les pays francophones du monde, mais finalement, pendant ce temps-là, les autres provinces vont chercher des migrations asiatiques, ils vont chercher des migrations économiques, principalement, où c'est de l'argent qu'on rentre au niveau des migrations. Donc, tant mieux si on veut rentrer des immigrants, j'ai rien contre ça, en autant que tout le monde s'intègre bien dans le domaine. Je suis pas raciste, puis je suis pas xénophobe. Je veux simplement que les gens comprennent qu'aujourd'hui, là, c'est un propos que personne ne veut tenir, on veut jamais en parler. Puis finalement, quand on en parle, on est tout le temps en train de marcher sur des œufs, puis la personne qui ose dire quelque chose, c'est un raciste. Il faut arrêter ça. Je suis pas raciste, pas xénophobe. Je veux simplement que l'argent, les gens qui rentrent ici, soient vraiment les gens qui vont nous apporter quelque chose et qui vont rentrer dans les valeurs. Et bien sûr, le côté de notre charte des droits et libertés, on a le droit à notre charte des droits et libertés, on a le droit à nos valeurs. Qui respectent nos valeurs, on va respecter les leurs, mais il faut surtout qu'ils respectent les nôtres. J'ai également parlé à notre directeur de l'information, Robert Langdo. Il ne cache pas son malaise face à une telle déclaration. Honnêtement, je vous dirais qu'on est mal à l'aise par rapport à ces propos-là, mais on se dissocie complètement de ces propos-là depuis le tout début de la campagne électorale. Oui, on est l'instigateur avec Sylvain Bouchard du mouvement des Cols Rouges. Il y a eu par la suite le choix de Claude Roy par les 26 000 membres qui se sont inscrits à ce mouvement-là. Mais depuis le début de la campagne électorale, Claude Roy vogue de ses propres ailes et on n'a pas à être associé à quoi que ce soit par la suite. Il faut savoir que la loi électorale oblige toute entreprise de radiodiffusion à ne pas soutenir ou favoriser un candidat au détriment d'un autre. Et c'est ce que le FM 93 s'est engagé à faire dès le déclenchement de la campagne électorale. Donc, raison de plus pour se dissocier de ses propos.